Bienvenue à Playback, une capsule à voyager dans le temps qui vous retourne vers la décennie 80. Et ce soir, le spécial rock. 90 minutes de bon rock old school, pur et simple, sorti tout droit de cette décennie éclectique. Êtes-vous prêt pour le voyage? Alors mettez votre vieux perfecto en cuir, sortez votre guitare électrique et mettez votre ampli à 11. It's time to rock! another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. I'll be dancing with myself. I'll be dancing with myself. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. Je lâche pas, j'attends pas de crever. Oh! De retour avec votre animateur Pat Moore. Et nous avons commencé ce show avec Joan Jett and the Blackhearts et la pièce Bad Reputation de 1981, tirée de l'album du même nom. Si vous avez jamais vu le film The Runaways, c'est en 1975, à l'âge de 16 ans, que Joan Jett a formé ce band, entièrement composé de filles adolescentes. Puis en plus, elles pouvaient rocker encore plus que plusieurs de leurs contemporains mâles, avec leur attitude de vraies rockeuses et leur son rock pur et dur et quasi punk. C'était assez révolutionnaire pour l'époque. On a ensuite écouté Dancing With Myself de Billy Idol, tiré de son album éponyme en 1982. Dancing With Myself a été son tout premier hit en tant qu'artiste solo. Et il faut mentionner que cette même chanson avait été préalablement produite et enregistrée en 1980 lorsqu'il faisait partie de son ancien band punk Generation X. On a enchaîné par la suite avec un bon vieux groupe rock québécois, Corbeau, avec la charismatique Marjo, Marjolaine Morin de son vrai nom. Et je vous ai passé leur succès « Je lâche pas », tiré de l'album « Fou » de 1981. Et on a terminé le premier bloc avec le légendaire groupe punk rock britannique The Clash et la chanson « Rock the Casbah » de 1982, tirée de leur album « Combat Rock ». À l'époque, cet album-là avait été leur plus gros vendeur à date. Et sur ce même album, on y retrouvait aussi un énorme hit « Should I Stay or Should I Go ?» Alors, c'est le temps de laisser le rock rouler avec une pièce de « Journey » et « Separate Ways » sur « Playback ». Roads apart, hearts broken in two. prestige, who promised fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go too far. I'll be your everything. If you make me your star, Dirty Diana. Yeah. On vient tout juste de finir ce bloc numéro 2 qu'on a décollé avec le groupe Journey et la pièce intitulée Separate Ways, Worlds Apart, tirée de leur album Frontiers de 1983. Journey, un groupe californien plus précisément de San Francisco, ont sorti un tas de succès à leur actif. Journey restera toujours un des gros noms du créneau classique pop rock. Petite anecdote, si vous avez eu la chance de visionner le vidéoclip de cette chanson-là, c'est un clip de l'époque qui a pas bien vieilli. Au point où ça en est carrément drôle. Mais l'ironie, c'est que l'intention du départ de ce vidéoclip-là, c'était d'avoir un petit côté edgy, avec du style et du sérieux, tu sais. Mais ça a pas donné... dans le long terme, ça a pas donné ce résultat-là. Ça a un petit peu mal vieilli. Mais la chanson, elle, a très bien vieilli. Et elle conserve toujours son statut de classique. Ensuite de ça, on a écouté le groupe Genesis et leur chanson Land of Confusion, tirée de l'album Invisible Touch de 1986. Si on porte attention au texte de cette chanson-là, il y a un parallèle très flagrant avec la réalité d'aujourd'hui, ce qui se passe dans notre monde actuel. C'est toujours un peu spécial ça, quand une chanson porte un message pratiquement intemporel et un peu prophétique, surtout quand la chanson elle-même a été faite il y a 35 ans. Ça donne un petit peu la chair de poule. Et comme troisième pièce, on a enchaîné avec la chanson Dirty Diana de Michael Jackson, tirée de l'album Bad en 1987. Quand on pense Michael Jackson, on pense roi de la pop, on pense pas rock, mais on pense plutôt pop, soul, R&B. Mais Michael s'était déjà aventuré vers une direction un peu plus rock avec son succès Beat It, qui venait de son album juste avant. Je parle bien de l'album le plus vendu de l'histoire, et oui, Thriller. Mais Jackson avait produit plusieurs chansons un peu plus orientées vers le rock. Quand on pense à Black or White, Given to Me, des chansons qui avaient été produites dans les années 90. Et sur la chanson qu'on vient tout juste d'entendre, Dirty Diana, Michael avait utilisé les services du talentueux guitariste soloiste Steve Stevens. Ce guitariste avait été reconnu principalement pour sa collaboration étroite avec Billy Idol, qu'on a entendu un peu plus tôt. C'était le guitariste exclusif ainsi que le co-compositeur à Billy Idol. Sur chaque chanson que Jackson avait composée à saveur un peu plus rock, il avait toujours collaboré avec des grands guitaristes du monde hard rock. On pense à Eddie Van Halen sur Beat It. Il y avait eu aussi Slash de Guns N' Roses qui avait travaillé avec Jackson sur plusieurs autres chansons dans les années 90. Et on a terminé ce dernier bloc avec Prince and the Revolution et la chanson Let's Go Crazy de 1984, tirée de l'album Purple Rain. Le solo à la fin de cette chanson-là m'a toujours fait triper. Prince était un excellent multi-instrumentiste, mais particulièrement un guitariste très talentueux. Il n'a jamais été vraiment considéré comme un des grands guitaristes de ce monde, mais plusieurs gros noms, surtout des grands guitaristes, l'ont toujours estimé. Lors d'une entrevue avec le grand Eric Clapton, un intervieweur lui avait demandé ceci. « Comment on sent quand on est le meilleur guitariste au monde? » Et Clapton a répondu tout simplement « Je sais pas, demandez à Prince. » Bon, c'est assez avec le cours d'histoire. Laissons le rock suivre son cours avec The Greg Kin Band et la pièce I Can't Stop Hurting Myself sur Playback. tonight. You got every advantage when they put out the lights. It's not so pretty when it fades away, 'cause it's just an illusion in this passion play. Mais là-bas l'âme. La passion ton se recouvre. Victime de tes fantaisies, la moindre résistance est impossible. Tes jours sont comptés, personne ne peut s'échapper. La raison poursuit ses habitudes, rien ne rattrape le temps perdu. Ton âme est ailleurs, tu es l'esclave de ton cœur. Toujours Playback. Et ce soir, on est dans le format rock. Et pour ouvrir ce dernier bloc, je vous ai présenté un petit deep cut. À l'avenir, lorsque vous m'entendrez dire le terme deep cut, ça voudra dire une petite rareté à découvrir, une petite suggestion à la Pat Moore. Donc, on parle d'une pièce du groupe The Craig Kin Band, un band du Maryland, avec une chanson qui s'intitule « I Can't Stop Hurting Myself », tirée de leur sixième album intitulé tout simplement « Rock and Roll » de 1981. Par la suite, on a écouté la rockeuse Pat Benatar avec la chanson « Fire and Ice » qui était tirée de son troisième album « Precious Time » de 1981. Pat Benatar, c'était la petite rockeuse dans les débuts des années 80. Ses succès tournent toujours à ce jour. Vous vous rappelez sans doute des pièces comme « Love is a Battlefield », Hit Me With Your Best Shot et We Belong, pour en nommer quelques-unes. Des hits, elle en a sorti une trollée entre 1979 et 1986. Ensuite de ça, on a entendu le légendaire groupe québécois Offenbach avec Jerry Boulet qui nous chantait Seulement qu'une aventure, tirée de leur huitième et dernier album studio, l'album Rockorama de 1985, qui était aussi produit en collaboration avec Michel Rivard. Et ce dernier bloc s'est terminé avec un autre artiste d'ici, le légendaire Michel Pagliaro et sa chanson « L'espion », tirée de l'album « Sous peine d'amour » en 1988. Cet autre rocker national d'origine montréalaise avec une carrière qui s'étale de 1965 jusqu'à présent. Assez incroyable. So, let's keep on rocking avec un quatrième bloc rock canadien. Et ça part maintenant avec l'ultime band canadien, nos ambassadeurs du rock. Vous l'avez deviné, that's it, Rush avec Limelight. Right now on FM Radio, you are listening to Playback. Only love. Alright, de retour et nous terminons ce bloc entièrement composé d'artistes canadiens. Dans ce dernier bloc, on a parti le bal avec nul autre que le trio Rush et la pièce Limelight, tirée d'un de leurs nombreux albums classiques. Mais celui-ci était Moving Pictures de 1981. Le début de l'année 2020 a été un dur coup chez les fans de Rush. Ça s'est fait ressentir dans toute la grande famille du rock, pas mal à travers le monde entier quand on a appris le décès du batteur Neil Peart le 7 janvier dernier. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec M. Peart, je peux vous dire en peu de mots qu'il était tout simplement un pionnier du drum, considéré comme un des plus grands batteurs du rock au monde. Comme deuxième pièce, on a entendu It's Only Love du Canadien Bryan Adams en duo avec Tina Turner. Elle, par contre, est américaine, mais c'est surtout une chanson de Bryan Adams tirée de son album Reckless en 1984. On a ensuite enchaîné avec la formation Honeymoon Suite et leur hit Feel It Again de leur deuxième album The Big Prize en 1986. Et on a terminé ça avec le band Loverboy et un de leurs nombreux succès, The Kid Is Hot Tonight, tiré de leur premier album éponyme en 1980. Hey, devinez quoi? On continue! On lâche pas encore le rock. C'est une émission plus longue cette semaine, vous avez sans doute remarqué. On repart ça avec les légendaires Queen avec Crazy Little Thing Called Love. Yeah. you've seen Junior's grades. Winds up time. Québec. On a démarré le dernier bloc avec Queen et Crazy Little Thing Called Love de 1980, tiré de leur album The Game. On sait que Queen a produit une tonne d'éternels classiques du rock, mais c'est avec cette chanson-là que la formation avait réussi à avoir son tout premier numéro 1 dans les palmarès américains. Et on a enchaîné avec un autre gros groupe, Foreigner, avec la chanson Urgent, tirée de leur quatrième album, tout simplement intitulé 4, de 1981. Ce soir, on a pas mal juste des gros noms, que des gros bands légendaires, et Foreigner ne font pas exception. Eux autres aussi sont responsables d'avoir produit de nombreux incontournables du répertoire classic rock. On a aussi écouté du bon gros Van Halen, ces Rock'n'Roll Hall of Famers de la Californie, reconnus pour avoir mis le hard rock au premier plan de la musique populaire. J'ai mentionné le nom Eddie Van Halen un peu plus tôt dans l'émission. Pour ceux qui ne le connaissent pas trop, Van Halen, c'est son band, ça. Et Eddie est incontestablement un des meilleurs guitaristes soloistes rock de tous les temps. On a écouté la chanson « The Cradle Will Rock » de leur troisième album « Women and Children First » de 1980. Et on a terminé ce dernier bloc avec les blues rockers du Texas, ZZ Top et Sharp Dressed Man, tiré de leur huitième album Eliminator en 1983. Toutes bonnes choses ont une fin, hein? Et c'est sur ces belles notes que se termine l'émission de cette semaine. Je vous reviens la semaine prochaine avec un format plus standard, sans thème, que des chansons mixtes de la décennie 80, un genre de pot-pourri. D'autres classiques, mais toujours avec des succès oubliés et des moins évidentes. Dans les prochaines semaines, il y aura une émission Hair Bands and Power Ballads. Il y aura un spécial One Hit Wonders. Il y aura un spécial Heavy Metal. J'en ai plein d'autres. Je manque pas d'idées. Les années 80, c'était riche, c'était coloré, donc il y a du contenu. J'ai aussi eu des demandes spéciales pour un spécial playback années 90. Mon show est spécialisé dans les années 80, mais je vais accepter d'en faire un playback années 90. Ça va venir éventuellement. Ça sera tout aussi plaisant, ça c'est sûr. Bon, fait que sur ça, je vous quitte, mais devinez quoi? Je vous laisse avec une petite dernière, une qui déménage pas mal, une qui est à l'image d'une émission qui va venir prochainement sur les hair bands. Donc là-dessus, je vous dis, portez-vous bien, on garde le courage et le focus, on tient le cap, on lâche surtout pas, hein. Et pour se tenir éveillé et en forme, on écoute la toute dernière pièce et en quittant, je vous dis ceci. Hey, what do you want to do with your life? I want to ride!